Bonsoir à tous, nouvelle émission de Very Good Bad Movies avec mes amis qui sont là à côté de moi, à ma gauche, Gauthier, comment vas-tu Gauthier? Ça va très bien. Là on dirait qu'on présente, tu sais, dans les manèges là, un petit peu genre la fête à Neuneu ou des trucs comme ça là. Ou la, je sais plus, la fête du trône, ouais c'est ça, la fête du trône. Ouais. Et c'est reparti pour un tour. Ouais, oui, vous aimez ce manège, et c'est parti. Bon, il faut attraper le petit Mickey là. C'est ça. Alors moi c'était plus sensation forte, mais même si je me rappelle très bien de la queue de Mickey, bien sûr. En parlant de la queue de Mickey, petite info comme ça, j'ai envie de placer direct tout de suite. Il y a aussi la queue de Minnie maintenant sur Hollywood Boulevard. Oui, tout à fait. Voilà, transition très pourrite, mais au moins elle est placée. À ma droite, ah oui, pourri, oui, merci. À ma droite, Estelle. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Estelle? Je vais super bien. Comment ça se prépare pour le festival de Clermont-Ferrand? Ça se prépare à fond. J'ai entendu dire que madame avait des interviews. Une, ouais. Oui. C'est cool. On se prépare. Fait sa star. Ouais. Est-ce que t'as des trucs à présenter ou alors tu viens vraiment pour faire ta pub et pour voir ce qui est intéressant là-bas? Non, je viens pour ce qui y a d'intéressant là-bas. Et puis, oui, du réseau, rencontrer des gens. Puis c'est ma ville, clairement. C'est mon petit, ma petite habitude d'aller au festival. Donc, voilà. On peut rien dire là-dessus. Non. Voilà. C'est non, fait. Mais ça, j'imagine, tu sais, c'est la fille qui se ramène avec une pile de CV, genre 50 CV, et elle balance comme ça, tu sais, comme les journaux aux États-Unis. Allez, prenez. Non, sérieusement, je suis sûr que c'est celle qui place aussi un petit mot en mode, vous savez, je suis comédienne, je suis libre. Bah oui, mais ça, c'est obligé. Alors, non, ou en général, ce que je fais, mais c'est pas cette manière tout à fait honnête, c'est que. Non, parce que quand on parle de faire du réseau, on parle toujours, on a toujours l'impression que c'est une manière hypocrite, alors pas du tout. Mais quand tu t'intéresses aux gens, en fait, viens dans la conversation à un moment donné, et toi, tu fais quoi? Et c'est là où tu places, ben, je suis actrice sur Paris. Wow. Voilà. Faut arrêter de la péter tout de suite, là. Mais. C'est parce que je te donne des tuyaux. Oui, je sais. Merci beaucoup. C'est pour ta réussite. Merci bien. Tu es trop gentil. Ce soir, on va parler de trois films, si on a le temps, parce que vous savez qu'on n'a jamais le temps souvent dans cette émission. In the Fade avec Tim Curry, Pentagon Papers de Steven Spielberg et également. The Greatest Showman. Merci, avec Hugh Jackman, la nouvelle comédie musicale Événement. J'aime bien dire Événement. Événement. Mais là, tu peux dire Événement. Événement. On va également faire le petit jeu qu'on avait fait il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, avec le prénom d'un acteur et le nom de son personnage. Ouais. Donc tout mélanger, il faut tout retrouver. Et le but, c'est de retrouver juste le titre du film. Duel avec Gauthier. Ouais. Duel avec Gauthier. Il y aura 10 réponses à donner. Donc, beaucoup de suspense. Mais c'est plutôt facile, hein, ce que je vais vous donner. Hein. C'est du classique, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on pense? À chaque fois, il nous dit « c'est plutôt facile, hein, vraiment ». Mais des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui. Toi, tu nous surestimes. Mais oui, mais en même temps, moi, j'ai ramené des gens, je pensais qu'ils avaient une culture. Malheureusement, comment vous dire que le niveau est un peu moins élevé. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'avoue, et moi, c'est mon défaut dans les films, je donne le nom de l'acteur au nom du personnage. C'est-à-dire que je ne pourrais pas te dire les noms des personnages des films. C'est impossible. Il y en a, ils retiennent tout de suite. Il s'appelle machin, il s'appelle machin. Je ne retiens pas. Genre, par exemple, si tu me demandes par exemple les noms des personnages dans Les Infiltrés de Scorsese, je peux pas t'en sortir. Ah oui, c'est vrai. Ben, toi non plus. Après la réflexion, je sais pas si c'est pareil pour les auditeurs, mais souvent c'est ça difficile. En fait. Hein. À part les sagas, les films uniques, c'est très compliqué. Ah ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le box-office la semaine dernière? Il faut dire oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. Mais. Alors. T'as pas besoin de préciser. Surprise, je sais pas pourquoi, c'est pour faire une transition. Première position, Brillantissime de Michel Larocque. C'est vrai ? Oui, c'est une grosse surprise. Hein. 297 000, on en a dit que du bien la semaine dernière. Plutôt pas mal. Hein. 300 000 comme ça, en une semaine. Pour un film quand même qui a été cofinancé via crowdfunding, on n'a pas trop entendu parler non plus, il n'y a pas eu non plus 1000 pubs, même si sur deux ans, elle nous en a parlé tous les ans, Michel Larocque. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon score, donc les gens, je pense qu'ils ont été surtout attirés par le casting et par le concept peut-être aussi un petit peu. En deuxième position, Jumanji, avec 2 800 000 spectateurs en cumul, très très gros score, mais on atteint bientôt 3 millions. Dans le monde entier, alors que moi j'aime bien toujours me renseigner sur l'échelle planétaire, c'est énorme, il en est presque à 800 millions, quoi. Il s'approche des 800 millions. Ah ouais. Et c'est vraiment là les scores des gros films, quoi, 800 millions. Mais il reste longtemps à l'affichage. Franchement, c'est une grosse surprise, Jumanji. Et j'aurai une petite nouvelle par rapport à ce film dans quelques instants. Non, mais je le mets dans, dans la catégorie news. Comme ça, il y aura un petit débat suspense. Dessus. Suspense. En troisième position, 3 Billboards. Eh oui, petit lien entre les deux. Oui, je sais, c'est une transition pourrite, mais quand même, je vous le dis. Avec un cumul. Des transitions, t'inquiète. Non, mais en une semaine, 239 000. Alors, c'est pas génial, mais en même temps, par rapport à ce film-là, à la promotion. Et pas, c'est plus film d'auteur entre guillemets. C'est plutôt pas mal quand même pour ce film Three Billboards avec Frances McDormand, grand film, et on en a dit que du bien la semaine dernière. Passons à la quatrième position avec Star Wars. On en parle depuis deux mois, j'ai l'impression qu'on en parle dans toutes les émissions. Par contre, Star Wars en Amérique c'est fini. Il est relayé, je crois, à la 10e place ou comme ça. C'est... Ah oui, donc ouais, ils ont lâché le bateau. Ah là, il a freiné sa course. Bah, tout le monde l'a et vu en Chine, c'était un échec. Bon. En Chine, il a pas du tout marché. Ah oui, ouais. Ah, quand même. Ouais, je crois qu'il va faire presque 500-600 millions de moins que le 7. Et sinon, comment ça se passe en Inde? En Inde, je ne sais pas. Mais faut savoir, ça c'est une anecdote qui est vraie, que les Star Wars ne sont sortis en Chine qu'à partir du 7. Parce que c'était... Est-ce qu'il y a une raison parce que le Chinois a préféré les productions locales. Le Chinois a préféré... Les Chinois préféraient les productions locales. Non, d'accord, ok. Ah oui, non, mais ce que je peux comprendre. Mais si je ne me trompe pas... Après, c'est peut-être pas pour celui-là, mais je crois qu'ils ont vu les 6 premiers juste à la télévision, c'est bien ça? Ah oui, je pense qu'ils ont, et vu, pas aussi, ils ont dû avoir les moyens de les voir, mais non, c'était qu'à partir du Réveil de la Force que les films ont commencé, les Star Wars ont commencé à sortir en Chine. Bon, bah malheureusement, Star Wars n'est pas maître partout, voilà. On peut dire ça. Maître Jedi, encore une petite transition. Cinquième position, et ça je suis content, ça fait deux semaines qu'il est à l'affiche, Downsizing avec Matt Damon, avec 439 000. Oui, je suis content. Il est content. Non, mais parce que c'est un film spécial. Et pour un film spécial quand même à 439 000, je pense surtout que c'est grâce à Matt Damon et au concept, parce que ça vraiment le concept d'un homme qui rétrécit une ville avec que des minimoys, entre guillemets, ça marche plutôt et ça attire. Ouais, puis il a une bonne presse. Hein. Oui, bonne critique, et surtout c'est un film, comme je disais, particulier, pas tout public. Autant qu'on se dise, moi je pense pas que c'est tout public, c'est pas pour les fans de science-fiction, ils vont être déçus, ça j'en suis sûr, mais c'est un film plus profond qu'on ne le pense. Donc j'étais très content pour ce film. Sixième position, Normandie Nue avec François Cluzet, avec 413 000 spectateurs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et François Cluzet quand même ramène du monde au cinéma. Et avec Atouja, bien sûr, et puis même avec Ne le dis à personne, etc. etc. Beaucoup, une filmo intéressante pour cet acteur. Septième position, Ferdinand, on en parle aussi depuis six mois, j'en peux plus. Avec 2 millions, et oui, ça y est, ils ont dépassé les 2 millions, la barre de 2 millions, Ferdinand, le taureau. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Les films d'animation, c'est espagnol. Ça marche toujours, les films d'animation comme ça. Et oui, bravo à eux. Huitième position, Les Heures Sombres, avec Gary Oldman, nominé aux Oscars pour cette année. Le grand favori pour le meilleur acteur 2018. Avec 510 000, ça a plutôt bien progressé. 510 000, c'est plutôt pas mal, parce que c'était peut-être pas super bien parti, on pensait pas vraiment que ça allait faire un gros succès, et 510 000 pour ce film-là, pareil, Joe White, il n'y a pas non plus une grosse promo énorme, même si à la télévision, quand même, on a eu beaucoup de publicité, beaucoup d'interviews, etc. etc. J'aime bien parce que souvent, et ça je l'ai vu aussi sur internet, et ce qu'on avait dit aussi ici, c'est vraiment le film parallèle à Dunkerque de Christopher Nolan, et j'aime bien parce qu'il y avait une vanne aussi que j'ai vu ça, c'est le Dunkerque, mais chiant. Alors, ça veut pas dire que le film est chiant, mais dans le sens où c'est le Dunkerque lent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action, c'est pas un film d'action, c'est un même film plutôt si psychologique. Dunkerque n'est pas un film d'action, hein, pour ceux de qui l'ont vu. De survie, plutôt. Oui. On peut dire que c'est un film de survie. Voilà. Mais c'est un film quand même intéressant, je pense, aussi, Dunkerque. Et les deux à voir, je pense que c'est intéressant. Et là où j'ai vu que la performance de Gary Oldman était incroyable, et le travail sur le personnage était super approfondi, c'est parce que je suis en train de regarder The Crown. Donc c'est une série anglaise, du coup, sur... Sur la reine. Oui, voilà. L'avènement de la reine Elisabeth II. Et donc, c'est aussi à cette époque où Winston Churchill revient pour un deuxième mandat. Et là, on voit que il est traité vraiment comme personnage secondaire, vraiment, et où le travail du personnage n'est pas aussi travaillé, en fait, et recherché qu'il l'a été pour Les Heures Sombres. Et c'est impressionnant de voir la différence entre les deux, quoi. C'est là où j'ai encore plus réalisé le travail qui a été fait. D'accord. Voilà, petite parenthèse. Non, mais bien sûr, faites de la pub à Netflix. 9e position, In the Fade, et on en parlait tout à l'heure, oui. Avec 127 000 spectateurs. Et pour un film de Cannes avec un prix d'interprétation féminine, c'est plutôt pas mal. Et on les encourage à aller bien sûr plus haut. Aller plus haut, Tina Arena, on t'embrasse. Oui, c'est lourd. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus, toujours plus fort. Allez, Fort Boyard. Allez, c'est bien. C'est alors, bon. C'est parti pour les news. Est-ce qu'on est parti? Oui. De quoi vous voulez parler? Quelqu'un veut commencer? Quelqu'un veut prendre la main, j'ai envie de dire? Moi, je veux prendre la main. Deux. Alors, indice chez vous. Oui, je suis chaud ce soir. Je suis chaud patate. Vas-y, on va. Eh bien, je vais parler du prochain film de Woody Allen. Alors, pas celui qui sort cette semaine, d'accord, mais celui qui a déjà été tourné et qui ne devait sortir, qui est en fait, disons, remis en question. Parce que par rapport encore à toutes ces affaires de femmes qui portent plainte, etc., les acteurs se sont... On dit comme quoi, certains en tout cas ont dit qu'ils avaient regretté d'avoir tourné dans le film. Donc le film en question, c'est A Rainy Day in New York. Et il y a des acteurs qui ont donné leur salaire à des associations. Et les producteurs remettent vraiment en question la sortie de ce film par rapport à la réputation en fait, de Woody Allen et à ce que ça peut apporter quoi, et jouer. Alors ça aussi j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que tu en penses, Gauthier? Woody Allen, il a souvent fait ce genre de polémique et en ce moment c'est beaucoup d'acteurs, c'est ce cas-là, c'est-à-dire le cas de l'agression, tout ça, ça revient beaucoup. Alors est-ce que je trouve c'est étonnant que Woody Allen y échappe? Non. Donc moi je trouve pas ça trop étonnant. Il devait un jour ou l'autre y passer. Avec lui il y a aussi Roman Polanski hein, parce que même oui, récemment lui aussi il a eu un souci avec si je me trompe pas, c'était à la Cinémathèque, alors je suis pas sûr, c'est soit Lumière soit Cinémathèque, il y avait une rétrospective même un hommage à Roman Polanski, son cinéma, et il y a eu des éphémènes et je crois tout ce qui est manifestation, etc. Mais alors est-ce que vous vous rappelez si c'était soit à Paris ou à Lyon? Je sais plus, mais c'était une des deux. Il y avait une histoire aussi comme quoi il devait présider Cannes. C'était l'année dernière, je crois, et que ça a fait scandale en fait, parce que personne ne voulait. Attendez, parce que j'hésite entre César ou Cannes, je sais plus. Non, c'était Cannes. C'était César, mais je crois. Non, il voulait pas le rendre. Je crois que c'était Cannes 2016, par contre. C'était Cannes. C'était il y a deux ans. Ouais, je crois que c'était Cannes. Mais il y a eu César aussi, je crois. Il y a eu un mélange de beaucoup de choses. Mais bon, à chaque fois, ça fait polémique dès qu'il est en France et dès qu'il y a un lien avec Roman Polanski. Woody Allen, il y a eu une régression dans le sens où on n'en a plus trop entendu parler, c'était plus en discrétion, non, et comme il a fait des succès aussi. L'affaire date de plusieurs années. De longtemps déjà. Donc, on déterre aussi les anciens dossiers, etc. Mais parce que c'est important d'en parler. Après. N'oublions pas la présomption d'innocence. Tout de même, parce qu'on ne sait jamais, on ne va pas accuser comme ça facilement. Oui, bien sûr. On ne sait jamais, parce que c'est vraiment très... pour la vie d'une personne, que ça soit une victime ou un coupable, ou un présumé coupable, ça peut changer toute une vie. Et c'est vrai que quand même, là où tu as raison, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, je suis d'accord. Après, les acteurs qui ont joué dans son film, et qui, on a l'impression qu'ils réalisent tout d'un coup qui il est, c'est pas une surprise. Oui, on se renseigne quand même normal, sur le passé des gens. Pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que pourquoi ont-ils regretté de tourner dans ce film si il y a des scènes, je sais pas, tu m'envoies un scénario et que ça me plaît pas parce que il y a des retombées politiques, des choses que j'ai pas envie qu'on montre ou quoi que ce soit, je vais réfléchir deux fois avant d'accepter. Exactement. Le scénario. C'est pas une fois que t'es payé, que la sortie elle va être mise et tout, que tiens, il y a un scandale médiatique, je vais dire je regrette d'avoir tourné dans le film. Après, annuler sa sortie, est-ce que c'est intelligent? Je sais pas, moi, je suis pas productrice, mais il y a toute une équipe quand même, faut pas oublier, qui a travaillé dessus des mois. Donc il y a du travail. Là, on parlait du nouveau film, donc pas celui qui va sortir Wonder Wheel, mais un autre, qui n'est pas toujours tourné, si je me trompe pas. Si, il est tourné. Il est tourné, ah, donc oui, c'est plus la post-production qui pose problème et tout ce qui est promotion. C'est la distribution. La distribution. Donc, voilà. Est produit, etc. C'est Amazon qui s'en est occupé. Mm-hmm. Mais Amazon change d'avis parce qu'il y a l'image, quoi. L'image d'Amazon qui peut Tout à fait. Parce que Amazon produit aussi une de ses séries, produit beaucoup Woody Allen. Donc d'un coup, dire on sort pas tes films, c'est forcément lié au scandale médiatique. Si derrière, ils avaient vraiment voulu protéger leur réputation et dire bah, on n'est pas d'accord de travailler avec ce genre de personne, s'il est coupable, bon, bah, ne le fais pas dès le début. Ne retourne pas ta veste en plein milieu, quoi. Mais c'est un débat sans infini, sans fin. Oui. sans fin. C'est-à-dire que pareil pour Roman Polanski, pareil que etc etc. C'est-à-dire que maintenant, en sachant que Kevin Spacey a pu faire certaines choses quand il était plus jeune, des choses on peut dire absolument dégueulasses entre guillemets, mais ça n'empêche pas que c'est un grand acteur et ça m'empêche pas peut-être de voir un film avec lui entre guillemets. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que qui puisse continuer sa vie comme si de rien n'était, c'est autre chose. Oui, puis c'est à la justice de trancher. Oui, aussi, c'est-à-dire oui. que qu'il soit producteur ou SDF ou le plus grand acteur du monde, s'il a commis un crime, ouais. et ben voilà, la justice doit rendre son verdict. Et voilà, c'est pas. Enfin, je sais pas. Bienvenue dans New York, unité spéciale. Ben voilà pour la petite news. Merci. Tu aimes une ambiance. T'as vu papa. C'est sérieux en ce moment. Oh là là. Il y a une atmosphère. Je suis triste. À Hollywood. Ils sont comme ça à Hollywood. Ils sont pas bien. Ils sont grincheux. Ils se pardonnent, mais en même temps, l'année prochaine, ils vont tout oublier. On les connaît. Ils s'aperçoivent qu'ils ont de la concurrence maintenant. Avec qui? Oui, on t'entend. Quand tu t'as. Avec les Français. Ouais. Bah, explique-nous ton propos. En fait, c'était sur la qualité des films. Donc, il y a trois films français qui ont marqué par l'esthétique. Ouais. Et donc, qui s'approchent beaucoup des œuvres hollywoodiennes, donc notamment des blockbusters. C'est le dernier film avec Alain Chabat, sorti à Noël. Ouais, Sans vraie compagnie. C'est le prochain Taxi avec Franck Gastambide. Taxi 5. Donc, Taxi 5. Donc, qui est, bon, alors, même si c'est Europcar, donc spécialisé un peu pour les productions. Qui sortent un peu de la France, donc notamment le transporteur, tout ça, il y a quand même eu un gros budget, puis c'est fait par les Français, c'est vraiment une production très française, voilà. Et tu n'as pas sorti Europcar? T'as fait un mix? Je crois que tu m'as sorti Europcar. C'est pas grave. Non, mais c'est possible. Et alors le troisième film, c'était Les Tuches. Donc là, c'est plus pour un point de vue scénaristique. Dis pas qu'on est. Alors non, pas pour l'esthétique, mais. Ne nous emballons pas non plus. Je veux dire, Alors j'ai pas vu l'abondance du 3, faut que je regarde. Mais en attendant, le 2 a été très apprécié dans les pays francophones, notamment au Québec. Et je sais que c'est trois films dont les Américains vont s'inspirer. Ah, donc il est très possible. Des remakes, Taxi, ça a déjà été le cas. Taxi, ça a déjà été le cas. Donc moi, j'attends de voir ce qui va arriver avec Franck Gastambide. C'est une série, non? Il y a eu une série aussi, j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais je ne savais pas. Si, il y a eu un film, c'est peut-être un téléfilm, chose comme ça, je pense que c'était, mais si, il y a eu un film. Alors c'est une fille et un garçon à New York. Ok. C'est et je crois que c'est un taxi à New York, je crois qu'il s'appelle le film d'ailleurs. Ok. Et donc Les Tuches, il pourrait éventuellement y avoir effectivement une adaptation américaine de la trilogie Les Tuches. Ils aiment bien adapter, hein. Bah, ils aiment bien faire leur sauce. Ils aiment bien adapter les romans, ils aiment bien adapter les films étrangers. Oui, mais c'est ça que je veux dire, ils aiment bien adapter les films étrangers. Oui, c'est vrai. Ils aiment bien adapter leurs propres films aussi. C'est Anthony Zimmer. Ouais. Et ils en ont fait quoi? C'est le film là, The Tourist. Mm-hmm. Mais ils en ont fait une catastrophe. Avec Johnny Depp, non, si je ne me trompe pas. Et l'autre, c'était avec Yvan Attal et Sophie Marceau, non, je crois. Ouais, magnifique. Ou Charles Gainsbourg, non, Sophie Marceau. Mais après, c'est sûr que de toute façon, dès qu'il y a une franchise ou un film qui a énormément de succès en France, on le retrouve après avoir un remake américain. On avait Intouchables, on a eu affiché avec le film LOL. Je pense que vous avez fait aussi un truc, mais ça a été des films, ils étaient nazes, quoi. Je sais pas si vous avez fait la comparaison entre le LOL français et le LOL américain. Non, l'américain, c'est limite du American Pie, quoi. Non, mais c'est vraiment l'état d'esprit des jeunes, tout ça, c'est. Il n'y avait pas toute la recherche, tout le message qu'on a pu retrouver dans le premier. Bah, ils avaient fait pareil aussi avec le Dîner de con. Il y a eu une sortie avec Steve Carell. Et c'était... Mais alors, ils avaient tout changé, je crois. Genre, ils ont payé les droits, ils n'ont rien gardé. Je crois qu'ils n'ont quasiment rien gardé du film original. Oui, c'est juste pour après, avoir à faire leur sauce. Après, pour Les Tuches, je peux comprendre. Parce que Les Tuches, c'est quand même quelque chose de très marrant qui peut s'adapter à tout, je pense. Donc, je pense que Les Tuches, ça pourra marcher. Ok. Donc c'était ta news en fait. Non, j'en ai pas. J'ai plein de petites news. Envoie. Vas-y. Alors là, j'en vais dire une petite. J'aimerais la semaine prochaine avoir beaucoup plus d'infos parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est l'adaptation du célèbre personnage Mario des jeux vidéo et qui devrait être adapté en film d'animation. Ah, j'ai eu peur à un moment. J'ai cru que ça allait être en train d'adapter en vrai, tu sais, en mode un plombier. Déjà... Bonjour madame. Comment vous allez? Non, ils avaient déjà fait ça à l'époque. Et puis le film, bon, alors, je sais pas si à l'époque le film a eu du succès, mais je sais qu'aujourd'hui, ce film, il est ridicule. Il quoi. Il est... Bah, c'est comme le premier Batman, la série Batman, là, la vieille série en couleur, hein, mais c'était ridicule, ils étaient en slip et tout, et bah c'était un peu kitsch, non, mais ça faisait un petit peu même un peu film porno entre guillemets, sans super. Voilà. Non, mais voilà, donc Mario, bon, pourquoi pas. Bah pourquoi pas, puis c'est jamais fait encore. C'est vrai. Franchement, on n'a jamais vu Mario, pourtant c'est là depuis des années, donc. Ils vont nous faire un spin-off Woody. J'ai peur. Non, mais bon, j'ai faut un peu voir. Peur quand même. Ça bah, peut. Moi, il y a un truc que je vois, c'est que c'est un personnage qui n'a pas de voix. C'est des personnages qui sont reconnus par des cris, par des sons, des choses comme ça. Ils n'ont pas de voix. Maintenant, en faire des personnages avec des dialogues pendant une heure et demie, deux heures. Voilà, donc ce sont les imitations de Jérémy. Non, ce sont mes souvenirs d'enfance. Voilà, ça se mélange, ça se dégrade, qu'est-ce que tu veux ? On l'applaudit. Non. Bravo. Merci. Bravo Jérémy. Non, est ce qui est possible aussi, je viens d'y penser, ils vont peut-être nous faire un style Lego Batman, mais avec Mario, un truc humoristique, au second degré. Oui, j'y ai pensé. Ah. Mais... Ça sera encore pire, sacro. Non. Non, parce que je suis pas dans la soupe, on sait jamais. Faut reconnaître que Mario, depuis que ça existe, c'est un univers qui s'est quand même développé. Ah ben. Et je pense qu'ils ont quand même assez de quoi faire un bon scénario. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est comment les personnages vont être traités, parce que on n'en sait pas plus. Moi, je suis pas un grand fan de Nintendo, de Mario, tout ça. Mais je sais que de tous les jeux Mario auxquels j'ai joué, je ne l'ai pas entendu une seule fois parler. Ou alors en italien, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça va être. Il y aura beaucoup de choses nouvelles, je pense. Mais bon, j'attends d'avoir quand même beaucoup plus d'infos là-dessus. D'accord. À suivre. News très importante, Mario va sortir dans quelques temps. Dans quelques on peut dire un an, au moins un an. La production a été lancée. Ah. Maintenant, je sais pas, voilà. C'est bien les Américains, parce que souvent, ça se lance, mais ça se termine pas toujours. Bah, c'est ça. On pense à Gambit. Je pense qu'en plus, c'est la société qui détient les droits de Mario, et je pense qu'il faut vendre les droits... Bon, alors vous êtes méchant avec Gambit, hein, quand même. Non, mais ce film, quand j'avais 12 ans, ils en parlaient. Oui, Gambit, avec l'acteur de Lost. Gambit, avec Channing Tatum. Et là, ça change. C'est... Non, mais déjà, le nom, déjà, j'en peux plus de ce nom. Faut changer. En France, appelez-le autrement, vous changez les titres. Pas Gambit. On va croire que c'est Seigneur des Anneaux 3.5, tu sais. Après les imitations, les souvenirs d'enfance de Jérémy. Honnêtement, reste avec nous. On va reprendre un peu de sérieux. Merci. Quand même. Ouais. Hein, j'ai une autre info si tu veux rattraper. Alors, celle de Mario. Là, j'enchaîne avec mon info et après tu vas enchaîner avec. Après, on va pas faire une émission info, les gars. Non, mais attends, on a encore trois films à parler. Attends, c'est moi qui gère cet emploi du temps. Ne t'inquiète pas, il y aura aucun souci. On va parler des films. Jumanji 2. Et oui. Alors, quand j'ai 2, c'est la suite de celui qui est sorti. C'est cette année. 2019. Bon. Ah. Donc Jumanji 2 va s'appeler Jumanji 3 va s'appeler Jumanji 2. Non, ça je sais pas, mais en tout cas il y a un Jumanji pour 2019 avec John Johnson et toute l'équipe. Je sais que ça te fait plaisir et je sais que là où il est à la réunion, Tommy il est heureux. Il aura un troisième DVD à acheter. Et oui. Et oui. Bravo. Bien. Vas-y, enchaîne avec ta news, s'il te plaît. Le retour de la franchise Halloween, avec comme producteur principal celui qui avait réalisé à l'époque le tout premier Halloween en 75, donc John Carpenter. Donc un des grands maîtres de l'horreur. Oui. Donc il revient en 2000. Donc un nouvel épisode d'Halloween. Donc il devrait logiquement faire quelque chose qu'ils ont déjà fait avec la saga Massacre à la tronçonneuse. Ce serait en fait oublier toutes les suites qu'il y a eu depuis le début et faire une suite originale. J'ai oublié. Non mais c'est bien. Non mais parce que je les ai vus, c'est pour ça. Je fais non, c'est pas possible, arrêtez. Non, parce qu'ils ont fait la même chose avec Massacre à la tronçonneuse il y a quelques années et le film n'avait pas marché. C'est qu'en fait, ils vont oublier toutes les suites qui ont été faites à l'original. Ils vont refaire une suite de l'original en oubliant tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc en plus, c'est le même réalisateur. Donc c'est, alors pour l'instant, il est juste producteur. Ah, producteur. Bon. Mais c'est lui qui produit. Mais d'accord. Je pense qu'il sera soit réalisateur. Je pense pas qu'il sera réalisateur, mais il sera au moins scénariste. Non, mais c'est quand même dingue parce que Halloween, tu avais au moins 10 épisodes. D'Halloween, je dis 10 films, hein, Halloween, avec des styles différents. Il y a eu même des pseudo-reboots, mais c'était pas des reboots, c'était des suites, mais 10 ans après, avec des nouveaux personnages, avec des nouveaux concepts. Pour moi, je me suis sauvé, je n'ai pas regardé, tout simplement. Parce que c'est vrai. Tu n'es pas film d'horreur, toi, j'ai l'impression. Bah en fait, Halloween, j'y crois. 13, du coup, après, j'ai vraiment, je flippe vraiment. Oui, mais attention, là, ça parle pas d'esprit, tout ça, même si ça parle d'un mort-vivant, entre guillemets, parce que je crois qu'il revient à la vie, hein, si je me trompe pas, parce qu'il était mort. Il meurt pas, en fait, je crois. Non, mais c'est un mort-vivant, lui, le gars. Le mec de Halloween, non, justement, le mec de Halloween, je crois qu'il ne meurt pas. Je crois qu'ils ont, ils ont jamais réussi en fait à le. C'est pas un mec qui meurt et qui revient à la vie. Non, mais ça, bah, c'est pas. C'est un peu pareil, tu vois. C'est un peu pareil que Jason, mourir, sauf enfin. Que tu sais, les Jason et Freddy, on les voit mourir et revenir à la vie. Ah, je crois qu'Halloween, on les a jamais, Halloween, on l'a jamais vraiment vu mourir, quoi. Ah non, je crois que c'est ta raison, c'est Jason qui revient à la vie tout le temps. Ouais. C'est tu as raison. Mais je à voir, à se renseigner, mais parce que je me rappelle plus. Mais c'est le même délire, c'est le même délire à chaque fois, quoi. Et parce que les trois plus grands, c'était Jason, Freddy et comment il s'appelle? C'est Michael Myers. Michael Myers, merci bien. Avec ce masque c'est... qui fait bien flipper. Et alors, tiens, j'ai une info sur le masque. Oui. Le masque, donc à l'époque, en 75, c'est, le masque a été fait à partir d'un masque de Monsieur Spock dans Star Trek. D'accord. Le masque de Michael Myers, il est inspiré de Monsieur Spock. Donc, ils ont dû reprendre un masque. Ils ont dû le, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, parce que je vois, voilà, le résultat est complètement différent. Mais non, le masque, c'était le masque de Monsieur Spock. Eh ben, merci pour cette info. Je suis désolé. Pierre Balmar, le gars, il te raconte des anecdotes des années 70. Non, mais en vrai, c'est quand même super bien parce que tu peux ressortir ça à un d'idée. Tu sais, le masque, parce que si t'es un fan d'Halloween, tu peux le ressentir. Moi, je le ressentirai. Mais c'est vrai. Moi, petite news intéressante, et après, on va tout de suite enchaîner avec les films parce que sinon, Estelle va me taper. Mais c'est un très intéressant parce que c'est vraiment très sérieux. Merci. C'est par rapport à Universal. Vous savez qu'il y a le Dark Universe qui s'était créé avec Tom Cruise, avec la momie. Il y avait même l'idée de faire Dr. Frankenstein, etc., etc. Et de mélanger tous les monstres de cinéma, entre guillemets, très connus. Pour faire un Dark Universe. Oui. Et le scénariste de Men in Black et d'Insaisissable, les deux films, et bah, il s'est barré. Et oui, il est parti de L'Homme Invisible. Normalement, il devait écrire L'Homme Invisible avec Johnny Depp, si je ne me trompe pas. Et le monsieur est parti. Donc, mais pourquoi? Bah parce qu'il n'était pas content et parce qu'il avait une idée de ce qu'il voulait faire. Ouais. Universal aussi, il s'est dit tiens, on va pouvoir mélanger les deux idées et ça ne l'a pas fait. Donc petite engueulade, petit conflit et ceci n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout. Juste pour vous dire que après la momie, il va y avoir la fiancée du Frankenstein, du docteur Frankenstein par exemple, ou du monstre Frankenstein par exemple. Excusez-moi. Donc ce sera le deuxième épisode de cette Dark Universe et on verra bien si ça marche surtout et s'ils vont continuer. Mais là c'est plutôt pause. Hein. Il y a quelques années, quand ils avaient sorti Dracula Untold avec Luke Evans, oui. Ils avaient déjà un peu vendu le film comme étant le premier film de ce Dark Universe. Seulement, le film n'a pas beaucoup marché, donc ils ont tout annulé et ils sont repartis avec La Momie. Mais encore une fois, même si La Momie, d'un point de vue recette, a plutôt bien marché, de la part du public et de la presse, ça a pas été une grosse réussite. Oh, moi, j'étais en colère. Et du coup, moi, je vois mal comment ils peuvent continuer à avancer, quoi. Comme ça, disons qu'avec un mauvais départ, il y aura une mauvaise arrivée. On peut dire ça comme ça. Bah, sinon, faut changer la trajectoire, quoi. Faut remettre un peu en question. Ça me fait penser à DC Comics, hein, c'est même délire. Hein. C'est mal parti. Hein. Oui, mais là, c'est vraiment dès le début, quoi. Oui, c'est vrai que DC Comics, c'est au milieu, mais. Mais oui, c'est vrai que dès le début, oui. Bon. Ah ok, mais vous avez raison, vous avez raison. Mais bon, moi je croise les doigts parce que le casting quand même, on a Javier Bardem, on a Johnny Depp, on a Tom Cruise, Russell Crowe. On les a pas tous vus dans le film La Momie, mais c'est quand même ceux qui sont normalement sont là. D'accord, ouais, mais si tes personnages sont pas construits. C'est ça, puis je pense qu'ils veulent trop... C'est pas moi qui ai fait le film. Non, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Ils veulent trop reprendre des personnages qui de toute façon ne sont... Enfin, ils sont toujours dans du jour, quoi. Voilà, c'est des vieux. La momie, c'est les jeunes, ils vont voir, ils ont vu Tom Cruise. Bon, à la limite, une momie, tout le monde connaît. Maintenant, quand il faudra aller voir la créature du marais, quand il faudra aller voir l'homme invisible, tout ça, ces personnages-là, il y en a plus beaucoup qui les connaissent. Mm. Puis même, ils ont introduit Mr. Jekyll et Mr. Hyde, et c'est pas bien fait, c'est mal introduit, c'est fait à la va-vite, c'est brouillon. Que tu veuilles pas dire que c'est lui, que tu mettes comme quoi c'est un personnage où tu vois qu'il est instable, un peu bipolaire et tout, que tu dises pas encore son nom. Bon, ben voilà, mais une fois que tu l'introduis correctement avec son nom et avec tout ce qu'on sait sur ce personnage, et ben tu donnes un peu plus d'espace, de détails, de place au lieu de le faire en brouillon, de faire une momie. Oh là là, les plans, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, ouais, c'est bon, on parle. Je sais pas, c'est un film où il faut qu'on soit. Est-ce qu'ils veulent faire aussi comme avec tous, c'est-à-dire qu'un jour les réunir tous? Ah, bah c'est ça, mais c'est pour ça que c'est un univers. Bah, c'est pour ça, oui, mais c'est pour ça, je crois que je. Ouais, mais ils prennent de la place. Bah, c'est ça, c'est-à-dire. Chacun. Pourquoi Dracula rencontrera l'homme invisible? Enfin, moi, je vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir, quoi. Tu sais, avec des. C'est pas une mauvaise idée, moi, je trouve. pas ça nul comme idée. Ça peut être très sympathique. Regarde dans les Avengers, par exemple. On sait qu'ils sont une équipe. Ça a été écrit pour... Oui. Et c'est écrit aussi pour... Là, c'est plein de personnages fantastiques qui ont chacun une histoire, une littérature derrière. Et les mettre tous en même temps, bah, ça prend trop de place. C'est comme si tu mettais, je sais pas, dans un 2 mètres carrés, tous les hommes politiques... avec un gros charisme et qu'il y en ait un qui veuille tous décider, c'est pas possible. Je vais me permettre de faire une référence à un autre film avec Sean Connery qui s'appelle La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, oui. Et je pense qu'ils veulent faire ça. Ils veulent mélanger possible. Beaucoup de héros différents et d'univers différents, de littérature comme tu dis, de contextes différents pour faire un univers propre et reconstruire quelque chose. Mais bon, après, c'est pas une mauvaise idée, il faut juste qu'ils se permettent de faire des erreurs et de tenter des choses. Là, ils prennent des méchants, c'est-à-dire que du coup, ce sera un univers... Dark. Ouais, dark, mais qui va... Voilà, quand le scénario du film qui va réunir un groupe de méchants, puis là, en plus, c'est des monstres, parce que c'est ça, quoi, c'est vraiment des monstres du cinéma, que va être l'intérêt du scénario ? Que va l'intérêt de mettre un loup-garou en face de Frankenstein, de mettre un homme invisible en face de Dracula, c'est quel est l'intérêt ? Moi je dis attendez, on sait jamais. Tu vois, par exemple, je trouve ça un peu grand d'un point de vue film d'horreur, par exemple de faire un univers avec les Jason, Freddy, tout ça, parce qu'ils ont déjà, ils ont déjà fait Freddy Jason, et ça sera déjà un peu plus... on sait que de toute façon, au final, pour se rencontrer, ils vont se foutre sur la tronche. C'est, voilà. Et puis, ils existent pour... être ensemble et coexister, enfin dans leur histoire. Bah, que là, ouais, ils ont tous une histoire commune. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a bien vu dans Freddy contre Jason que même si c'était très différent, c'est-à-dire que l'un c'était plus un tueur autour d'un lac, et puis l'autre c'est quelqu'un qui est quand même allé. Non mais à voir, ça peut être très bien. Mais c'est ça, moi je trouve ça original l'idée. Ah, original, c'est pas nouveau non plus, mais c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Après, on sent qu'ils font ça juste pour créer une saga, des abonnés, oui, entre guillemets, à cette saga-là, et de faire 300 000 épisodes. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Je trouve, moi, j'aimerais bien revoir ces personnages-là, mais des trucs avec des films récents, avec des styles récents, etc., etc. Mais tu vois, par exemple, s'ils font la Momie 2, tu vois, et puis qu'ils décident d'introduire un personnage comme Dracula, et puis qu'ensuite ils décident de faire un film sur Dracula avec le même acteur, puis là dedans ils mettent Frankenstein dedans, tu vois. Mais refaire un film où ils les réunissent tous, ce sera, Le challenge scénaristique. Ça sera le challenge, mais. Ça sera plus. Après, créer un univers où effectivement ils peuvent apparaître dans les films de l'un ou de l'autre, non, mais tous les voir réunis. Ça va être très compliqué. On enchaîne tout de suite avec un petit débat sur le film de Steven Spielberg, Pentagon Papers. Qui l'a vu autour de cette table ? Moi et Estelle. Estelle, je te permets de dire un petit peu déjà un résumé de cette histoire assez complexe quand même, on peut le dire, parce que ce film quand même il faut le digérer, hein, autant qu'on se dise, après 1h40 du film, ou même 2h je crois, même on peut dire ça. Dis-moi alors, quel est le concept de ce film ? De quoi ça parle ? Donc le concept, c'est qu'on est focalisé sur les mensonges et la guerre du Vietnam avec les États-Unis. Et donc, et la prise de position surtout de la presse lorsqu'ils découvrent des dossiers confidentiels. Et donc, il y a le New York Times qui se fait interdire de publication et vient à se poser la question si donc le Washington Post, qui est dirigé par Meryl Streep, va publier ou pas. Voilà. Les dossiers confidentiels. Les dossiers confidentiels. Et donc, il y a un suspense qui est placé pour savoir si ces journalistes-là ont le pouvoir d'aller jusqu'au bout de leurs droits, c'est-à-dire publier une information dont le public doit pouvoir avoir accès pour comprendre que les États-Unis ont fait une erreur et surtout que les États-Unis ont menti à leurs propres habitants. Oui, parce qu'il y a une question de sécurité nationale, il y a une question de fierté, d'humiliation nationale aussi. Il y a une question de est-ce qu'ils vont être crus, et surtout le fait que il y a cette censure en fait qui est faite par le gouvernement, une censure qui peut être parfois qui peut trouver ses raisons, si des fois ça peut mettre la sécurité de la nation et du peuple en question. Là, c'est vraiment pour protéger les arrières en fait du gouvernement. Et parce qu'ils n'ont pas le droit de publier. Donc là, derrière, il y a la liberté d'expression, le droit de presse, il y a, enfin, il y a beaucoup de choses. Le droit de savoir, tout ça est remis en question un peu dans le film. Donc on peut dire qu'il y aura un petit combat entre Tom Hanks et Meryl Streep pour, comment dire, pour imposer ce droit-là, le droit de publier, et que Meryl Streep ne pense pas qu'à ses, comment dire, à ne pas vexer ses amis ou à ne pas faire la bonne chose, mais c'est plutôt faire la chose juste. Puis elle est dans une position particulière parce que c'est pas son journal à la base, elle en a hérité. Exactement. Parce que son mari est décédé, donc elle a un gros journal quand même, même si à l'époque il n'était pas aussi gros que ce qu'il est maintenant, un gros journal avec des responsabilités, parce que c'est le droit de savoir, mais c'est aussi ses employés, c'est une entreprise, c'est une réputation, c'est ses amis, c'est... Puis bon, on est dans un milieu et dans une société qui est l'écran dira-t-on, et qu'est-ce qu'on va dire sur moi, et qu'est-ce que ça implique chez les gens, chez mes employés, sur moi, sur ma famille, sur ma fortune, sur... enfin... Bon, voilà. Du coup, elle est dans ces moments de doute-là. Et puis c'est surtout que c'était pas son choix d'avoir ce journal. C'est-à-dire que quand c'est ton journal ou quand c'est ta compagnie, que c'est toi qui l'as créé ou que tu la diriges parce que tu le veux, bon, bah, tu prends les décisions qu'il faut et tu as ce côté très décisionnaire, en fait. Alors que elle, son trait de caractère, c'est une femme au milieu des hommes. Mmh. Elle se laisse un peu guider parce qu'on ne lui permet pas de parler, elle non plus, parce que en parallèle de droit de publier, il y a son droit de parole à elle en tant que femme. Elle a beau diriger la compagnie, en général, c'est pas elle qui a la parole. Et là, elle va prendre la décision de sa vie, en fait. Donc, c'est ça qui était intéressant avec ce film, parce que par rapport au contexte actuel et avec ce débat par rapport à la place des femmes dans le monde d'Hollywood, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à ça. C'est-à-dire, je me dis, ah oui, là, c'est un film quand même qui parle aussi de ça, de la position de la femme dans la société américaine. Donc là, c'est plutôt à l'époque, entre guillemets, mais ça a un lien avec l'époque actuelle. Donc on voit que la place de la femme est toujours un peu rabaissée par rapport à celle de l'homme. Et Meryl Streep a un rôle, comme tu dis, particulier. Et qui se bat, en fait, qui intègre plein de choses, plein de rancœurs de la part de ses collègues, entre guillemets. Mm-hmm. Et à un moment donné, ça, voilà, il y a une décision à prendre et c'est tout ou rien, quoi. Donc voilà. C'est très intéressant. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue réalisation, ce film-là ? Est-ce que tu l'as trouvé travaillé, pointilleux ? Oui. Merci. Non, mais je réfléchis. Non, j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouvais un peu... disons qu'il est vraiment en deux parties. La première partie, pour moi, aurait pu être plus écourtée ou plus rythmée. Enfin, je sais pas. C'est... Par rapport au deuxième, il y a vraiment un changement de rythme radical. Et je trouve que, autant cette rupture, elle peut plaire à certains, autant moi, elle m'a un peu gênée. Moi, il y a un défaut qui m'a beaucoup, beaucoup gêné dans le film, c'est ce système-là. Et il y a beaucoup de films américains sur des sujets un petit peu, que ce soit journalistiques ou politiques, qui sont dans ce style-là. C'est de dire beaucoup de choses pour dire peu de choses, entre guillemets. Et aussi ce montage aussi intense, parce que c'est un montage, moi je trouve, très intense, où il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Oui. Il y a beaucoup d'événements qui se passent au fur et à mesure. Des moments, il y a des références qu'on ne peut pas comprendre, qu'on soit américain ou pas. C'est vraiment, je pense qu'il faut être un peu calé par rapport à cette affaire-là. Oui, il faut connaître cette période-là de l'histoire, c'est clair. Et surtout aussi par rapport aussi à ce comment dire, au droit par exemple des journalistes, à des références aussi à certaines personnes importantes, etc. etc. Mm. Et je trouve que des moments, ils prennent pas le temps pour expliquer ou pour mettre en... Comment dire, ou de pour faire intégrer un personnage que... ou pour faire comprendre certaines choses. Je trouve que c'est un peu... Même si on t'avait préparé un petit peu le sujet avant... Tu te laisses aller parce que tu c'est pas que tu comprends pas tout, c'est pas une question de compréhension, c'est plus une question d'accessibilité. Oui, on ne laisse pas un accès à toutes les données de ce film et de cette enquête. C'est juste ça qui m'a un peu frustré. Et puis on parle de beaucoup de... Parce que ça, cette période, en fait, là, de guerre du Vietnam, s'étale sur beaucoup de présidents américains. C'est pas juste un, il y en a eu 4 ou 5. Donc, oui, il y a des choses que... Alors, en plus, nous, on n'est pas américains, donc on est encore plus éloignés du sujet parce qu'on l'a pas forcément appris. Enfin, je sais pas vous, mais bon, moi, je connais quelques noms de présidents américains. Mais là, il y en a vraiment une... C'est ça, c'est un côté historique, culturel et historique. Il y a des précisions, comme tu dis, et des détails que si on ne connaît pas et qu'on n'a pas ces références-là, ça peut nous manquer dans la compréhension. Ou disons qu'on peut comprendre, mais pas autant qu'on pourrait le comprendre si des fois on était féru de ce côté-là de l'histoire. C'est un peu comme les films économiques, hein. Oui, tout à fait. Quand ça parle d'argent et de bourse et des moments, t'es là, on t'explique, mais en même temps, t'as compris à moitié, mais t'es pas sûr d'avoir tout compris. Tu prends l'information, mais... Tu intègres, tu engobes. Voilà, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi, un peu trop là-dessus. Ça m'a beaucoup gêné. Et ce qui m'a un peu séparé de l'intensité du film, moi, je trouve, personnellement. Après, le niveau des acteurs est excellent. Tom Hanks, il est génial. Meryl Streep, je trouve qu'elle est extraordinaire dans ce film-là. Je pense, c'est le personnage principal de ce film. Oui, oui, tout à fait. Et il est d'une... Comment dire, d'une sensibilité, je trouve. D'une justesse, tu veux dire. C'est même pas de la justesse. Enfin, si, elle est juste, elle est très juste. Mais c'est... Moi, quand je vois comment son visage réagit, comment elle interprète, mais j'ai l'impression d'être elle. Vraiment, je m'associe complètement à elle. Elle est émouvante. Touche le spectateur. Ouais, énormément. Et on la comprend. Et ouais, très bien. Après, moi, j'ai un petit bémol sur la durée du film. Je trouve que pour le sujet et pour tout ce qui se passe, les actions et le déroulement, il dure à peu près 2 heures, on peut dire ça comme ça. Il y a des moments... Ça mériterait de balayer ou de couper un petit peu. Surtout des séquences un peu bateau, un petit peu... Bah, puis il y a une séquence, j'y pense, mais où il y a Meryl Streep avec ses enfants, par exemple. Oui. Elle sert à rien, cette scène. Elle est trop conventionnelle, elle est trop déjà vue. Et surtout par rapport au style du film, qu'est-ce que ça a à faire là ? Oui, bien sûr. Si on n'est pas dans l'émotion de la famille, alors qu'on parle jamais de la famille dans ce film-là. Donc on a ce genre de scène, et on a aussi des scènes ou des moments comment c'est filmé et mis en scène. Je veux dire qu'on est dans le journal, quand ça va être quand les journaux sont imprimés, enfin des choses comme ça où c'est super bien fait, c'est très vif, c'est super rythmé. Enfin, donc il y a vraiment ce côté rupture, en fait, cette différence de rythme, moi qui m'a gêné. Enfin, pour pouvoir respirer aussi dans un film, hein, tu peux pas toujours être à 100 à l'heure. Mais après, peut-être aussi, il y a un truc qui peut aussi me gêner un petit peu, c'est que on sait très bien ce qui va se passer à la fin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu es sûr que tous les spectateurs, en allant voir ce film, quasiment tous, savent qu'il y aura une bonne fin et que oui, ça va être publié, parce que tu le sais, c'est dans l'histoire et puis c'est quasiment dans le synopsis entre guillemets. Et oui, ça, c'est dérangeant parce qu'ils font comme si on savait pas. Tu sais, il y a un suspense. Il y a quelquefois dans les films, c'est justement ce qu'on attend le plus. Tu sais, il y a ce moment de tous les films inspirés d'histoires vraies, de faits historiques et tout, quand on va rappeler un événement principal, si cet événement n'arrive pas au début du film, les gens vont l'attendre et c'est ce qu'ils attendent le tous. Et moi, c'est comme par exemple, il y a quelques temps, je regardais Deepwater Horizon, où ça parle de la plateforme pétrolière qui explosait. Tu sais très bien que la plateforme va exploser, c'est très bien que ça va se passer, mais t'attends ça. T'attends que ça, t'attends ce moment. Comment, en fait, et pourquoi ça arrivait là? Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est intéressant aussi, c'est cette psychologie-là de Meryl Streep, où on se dit, ouais, elle n'a pas juste pris la décision de manière à, tu vois, à provoquer tout le monde et tout. Non, il y a une prise de risque, il y a une prise de conscience. Bon, ben, c'est fait, on sait la fin, etc. Mais c'est vrai que c'est le pourquoi, tu vois. Ou comment elle va y arriver, ou c'est quoi les obstacles ou les enjeux en fait de cette décision qui amène Moi je comprends ce que tu veux dire, mais après moi je trouve que c'est pas un film très accessible. C'est vraiment le bémol. Je trouve qu'ils auraient pu peut-être plus on dirait un film pour journalistes un petit peu. Si t'es journaliste et que tu as appris l'histoire journalistique des États-Unis, là ça va plus pas t'accrocher, mais ça t'auras plus de clés, entre guillemets. T'auras plus de clés. Là, je trouve qu'on a 2 heures. Il pourrait balayer 30 minutes. Et à la place, par exemple, de balayer ces 30 minutes, on aurait pu avoir 30 minutes, pas d'explication, mais de mise en situation, entre guillemets, avec des oui, des descriptions, de aussi, des détails. Mais pas besoin de faire tout un truc, un exposé. C'est juste des choses simples. C'est tout. Tu vois, sur l'affaire au tribunal, par exemple, je trouve que c'est vite plié. Oui. Alors que c'est l'enjeu, en fait. C'est l'enjeu et le gros problème, c'est cette interdiction-là. Mmh. Et pourtant, bon, on en parle vite fait comme ça, ou bon, quand ça arrive... Ah, ça passe, ça passe. Non, mais expliquez-nous, je veux dire, les enjeux. Ils sont en train de flipper dans leur bureau parce qu'ils ont tous l'impression qu'ils vont se faire arrêter. Mmh. Est-ce qu'ils vont se faire arrêter? Et pourquoi? Et tous ces enjeux-là, et par rapport au sujet du film, ça aurait été super intéressant d'avoir, alors je ne dis pas une demi-heure, mais quelques minutes de plus où on sent ce stress-là monter et qu'on stresse en même temps qu'eux, quoi. Bah, c'est pour... Il y a ce style hollywoodien quoi, de Spielberg, ce côté conventionnel un petit peu, en même temps est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ce suspense qu'on a déjà vu mille fois, et en même temps comme tu dis ce retournement de situation en mode happy day, genre voilà. Super, wouh, hey, voilà. Bon, là c'est un peu gênant. Ouais, non, on va pas exagérer, ce serait méchant de dire ça. Je mais... plaisante. Non, mais... C'est un peu gênant. Il y a des rigoles, Gauthier. Non, mais ça fait blockbuster avec une super fin de dingue, en mode ouais, bravo, ouais, on a envie d'applaudir. Mais non, mais c'est un peu gênant parce qu'on n'est pas assez dedans. Moi, je trouve qu'on n'était pas assez impliqué. Alors, c'est pas une question d'être américain ou. Non, mais. C'est pas ça. Je pense que c'est vraiment juste ce côté. Je pense que le film oublie le spectateur. Moi, c'est ça qui me dérange. Oui, c'est un peu vrai. Après, sinon, c'est. Après, il y a un grand travail. Il y a un grand travail scénaristique quand même, parce que de précision par rapport, je pense, à cette enquête-là. Réalisation, c'est plutôt pas mal. Il y a des plans très bien travaillés, comme tu dis. En fait, il y a des plans un petit peu, comme je te disais, avec des scènes conventionnelles, et puis d'autres plans super bien travaillés, précis, à la Spielberg, comme on aime. Et que j'avais retrouvé aussi dans Le Pont des Espions, avec ce style-là aussi, avec une histoire, pas conventionnelle, mais une histoire simple. En continu et en même temps très bien travaillé dans les plans. Là, j'ai l'impression que c'est à l'inverse. C'est une histoire très complexe quand même, on peut le dire quand même. C'est pas non plus très accessible dans les détails, je veux dire. Mais en même temps, c'est filmé d'une manière comme si c'était tout à fait compris par tous. Oui. On délaisse un petit peu le spectateur. C'est le seul gros bémol, je pense, du film qui peut, à un moment donné, vous ennuyer. Il y a des séquences où on s'ennuie un petit peu autant qu'on se le dise. Malgré cela, c'est quand même de qualité. Et ça, on ne peut pas le retirer à Spielberg, parce que de toute manière, c'est souvent de qualité, à part exception, ou à part goût personnel vraiment bien particulier. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai une question pour tous les deux. Oui. C'est quelque chose qui me chagrine à chaque fois. C'est-à-dire, donc là, le film en version française, le titre, c'est Pentagon Papers. Donc un titre en anglais, alors que le titre américain, c'est The Post. Et là, on se dit, pourquoi les Français changent un titre anglais pour en mettre un autre ? Là, je pense savoir, parce que post, pour les gens, ça veut dire boulot. Un poste, comme un poste. Alors oui, je sais que tu vas me dire, oui, mais bon, ça s'écrit pas pareil, et que ça veut pas dire la même chose, mais je pense que ça parle moins. Ça voudrait dire la poste aussi. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça parle moins aux gens. Mais après, c'est un choix de distribution. Parce que Pentagon Papers, ça les aide vachement. Oui, mais il y a Pentagon et il y a Papers. Donc oui, on sait que ça apparaît une fois dans le film, en rouge, oui, histoire c'est qu'on vrai. Comprenne. Oui, oui. Mais ça, c'est toujours ça, hein, les titres comme ça, quand on transforme en anglais, il y a toujours le mot qui arrive à un moment donné ou les deux mots. Oui, parce que sinon, ils prennent un truc complètement. Mais à la rigueur, je sais pas, The Washington Post ou... Mais ça arrive tout le temps, hein. Surtout les films d'action. Oui, mais ça arrive souvent et ça, je trouve ça fou parce que arrêtez de faire ça. Very Bad Trip. Non, à chaque fois, on appelle ce film Very Bad Trip, alors que c'est The Hangover. Mm. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, c'est dingue. Et que quand tu... C'est vrai que le seul bémol par rapport à ça, c'est que si tu rencontres un étranger, et surtout un Américain, et tu veux parler de ce film-là, il va pas comprendre. Ben oui. C'est le seul bémol. Mais à part ça, c'est pas non plus un drame. Mais c'est pareil aussi... je crois que c'est pareil aussi pour l'inverse. Hein. C'est-à-dire que quand t'as un film français qui va aux États-Unis, soit il traduit tout en anglais... soit il te transforme. Non, c'est vrai, soit il transforme avec autre chose, pareil. C'est ça ? C'est super drôle. Je sais qu'à l'époque, quand Intouchable était sorti, ouais. Ils avaient gardé le mot Intouchable. C'est-à-dire qu'Intouchable en Amérique, c'était Intouchable comme en France. Oui, c'est vrai. Mais après, bon, il y a toujours des. Enfin, c'est pas plus pour les autres films. Bon, je crois Amélie Poulain. Je crois que c'est la fabuleuse histoire d'Amélie Poulain. Je crois qu'il l'avait traduit. Je crois que c'est Amélie Poulain tout court. Je crois même pas qu'elle a. Il n'y avait pas le fabuleux dessin qui l'avait traduit ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais je suis pas sûr. Mais là... Et je prends un exemple tout simple. Édith Piaf, nous c'est la môme. Là-bas c'est la vie en rose. C'est vrai. Ça parle plus. Non mais. Bah c'est comme ça. Bah ouais, bah. Et bah ce soir, tu vas te coucher et t'iras mieux demain. Non, mais c'est vrai, mais malheureusement, c'est la distribution. Ça va changer un jour. Oui. Quand on sera plus pro de l'anglais, ça va changer. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux à jouer au jeu? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud aux 10 points? Celui qui arrive à 5 points, ou même à 6 points plutôt, a gagné. Est-ce qu'on est prêt? On va aller jusqu'au bout, bien sûr. C'est tout film là, tout. Ah bah là, tout mélangé. D'accord. Attention, on est parti. Un plutôt facile. Russell Maximus. Gladiator. Non, un point pour Gauthier. Préféré. Je peux pas avoir un demi-point de point de compassion. Non, c'est pas possible. Je suis désolé. Un point. Bon, vous avez reconnu bien sûr Gladiator de Ridley Scott avec Russell Crowe. Attention. Alors là, bien plus difficile. Morgan Redd. Morgan Freeman. Oui. Redman. Non, Redd. Il y a juste Redd. Il n'y a pas d'autre nom. Seven. Non, mais on cherche encore un petit peu plus loin. Ce n'est pas David Fincher. C'est un film très très très connu avec Morgan Freeman. L'un des plus connus de Morgan Freeman. Dans les top films de tous les temps, ils sont quasiment dans le top 50 tout le temps. C'est un film simple qui n'est pas si vieux que ça. Plutôt, je crois, dans les années 80, je dirais 80 peut-être. 80-90, je sais pas. On sait jamais vraiment trop avec ce film-là. C'est un film où le titre français dévoile le scénario du film. Oh là là. On s'en est même moqué un petit peu... pas nous, hein, mais sur Internet. Où le titre du film dévoile la fin du film. Le problème, c'est qu'à force de dire des trucs comme ça, tu nous perds un peu plus. D'accord. C'est avec Morgan Freeman. Red. Morgan Freeman, ouais. Ils sont dans une prison. Ah ! Mais oui ! Mais attends, et dans une prison, si on veut fuir, on... C'est... on s'évade, les évader. Oui. Bonne réponse. Pas trop déçu. Les évader avec Morgan Freeman. Ah bah oui. Ensuite, facile. T'as pas regardé, hein? Non, j'ai pas regardé. Andy Smagol. Gollum, le Seigneur des Anneaux. Oui, un point pour Gauthier. Oui. Andy Serkis, avec bien sûr Smeagol ou Gollum, quand il se transforme quand bien sûr Andy, en monstre. Andy, je pensais Andy Warhol, et je fais, mais non. Je peux comprendre. Ça, Toy Story, Andy, le petit garçon. Attention, un plus difficile, Christophe Landa. Oui, c'est bien ça, Christophe Landa. Landa. Christophe Landa. Christophe Waltz. Oui. J'étais sûre que t'allais mettre un avec lui. Landa, quel personnage s'appelle Landa dans un film? C'est très difficile parce qu'on entend quasiment jamais son nom, je crois. C'est un film récent? Oui. Matrix. Plus vieux que Matrix. Plus vieux? Plus récent que Matrix. Inglourious Basterds. Oui, monsieur. Ah. Bonne réponse de Gauthier. Inglourious Basterds de Tarantino. Donc en fait, le personnage s'appelle. Hans. On entend Hans tout le temps, mais Landa, je crois qu'on l'entend très peu. C'est Hans Landa. Attention, c'est plus difficile, mais en même temps. Ah non, ça dépend. Là, j'ai envie de dire années 80. Années 80-90. Allez, Eddie. Attendez, je reviens. Eddie Foley. Eddie Foley. Là, si. Film, mais ultra culte. Il va y avoir normalement le numéro 4 ou le numéro 5 au cinéma bientôt. Très très culte. Tous les gamins de 20 ans, alors quand je dis gamins, c'est-à-dire quand nous on était gamins, on a tous vu ce film. Il passe à la télé tous les ans. Tous les épisodes passent sur le dimanche à 20h50. C'est un film français ? Américain. Eddie. Il n'y en a pas 50 000 qui s'appellent Eddie en même temps d'acteur américain. Ah, c'est le Schtroumpf là. Le Schtroumpf. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Schtroumpf est mon code quand j'ai pas le mot qui vient, mais que je sais de quoi je parle. Ah, d'accord. Ça me rassure. As-tu trouvé? Alors, si je vous dis Eddie par exemple. Murphy. Oui. Et c'est Men in Black. Non. Flic de Beverly Hills. Oui, un point en plus pour Gauthier, le flic de Beverly Hills. Le pire, c'est que je lui donne des indices. Le nom, c'est Alex Foley. Le nom du personnage, Alex Foley. Je sais pas du tout. On enchaîne avec un autre film. J'espère que tu regardes pas, toi. Non, c'est parce que c'est le Murphy qui m'a aidé. Alors là, c'est niveau, mais ultra facile. Tom Gump. Forrest Gump. Oui, c'était évident. Bah oui. C'était d'une évidence absolue. Bon, bah Gauthier a pris la tête. Hein. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non, mais je crois que tu vas avoir des difficultés pour attraper ce monsieur. Oui, mais en fait, il utilise mes informations contre moi. Un autre épisode encore plus rapide. Un autre personnage qui va être dévoilé encore plus rapidement. Sigourney Ripley. Je vous en prie, dites-moi la réponse. Ripley. Sigourney Ripley. Bah, c'est Sigourney Weaver, mais je pense. Il y en a qu'un. Le seul film connu avec Sigourney Weaver. Alien. Oui, bien joué. Et Avatar aussi. Eh oui, c'est vrai, avec Avatar. Oui, il y avait Avatar aussi, c'est vrai. Tu vois. Ellen Ripley, le nom du personnage, dans tous les aliens. Tout à fait. Donc, un point encore en plus pour Gauthier. On continue avec un autre personnage, Julia Brockovich. Bon, Julia Roberts. Oui. Et je dirais Pretty Woman. Non. En fait, la réponse est dans ce que je viens de dire. Ah, c'est Erin Brockovich. Oui, enfin, bonne réponse. Erin Brockovich. Brockovich. Oui. Avec Julia Roberts. Un point pour ça, elle remonte. Mais c'est bien pour elle. Sans commentaire. On enchaîne avec un moyen. Jennifer Everdeen. Ah, mais pourquoi moyen? Ah, parce que c'est pas évident pour nous. Edgar Gaines. Oui, bien joué. Jennifer Lawrence avec. Vous avez remarqué, j'étais tellement sûre de moi que je fais des commentaires avant. Mais non, de répondre. Mais le pire, c'est qu'on a l'impression que t'avais laissé le point à ce monsieur dans le sens. Ah, bah oui, c'est évident. Bah vas-y, dis-le. Je laisse le suspense. Le personnage s'appelle Katniss Everdeen. Tout à fait. Il n'en reste plus qu'un. Bon, Gauthier a gagné. Je peux remonter. Malheureusement, non, c'est perdu, mais. Sandra Stone. Sandra Bullock. Oui. Et c'est quand elle est dans l'espace avec George Clooney. Mais tu n'as pas le titre, alors tu vas parler de Gravity. Oui, Gauthier a battu Estelle. Gauthier gagne ce jeu. Bravo à Gauthier. Je lui dis félicitations. Gauthier, j'ai une proposition à te faire. La prochaine fois, on se met en duo contre les autres. Moi, je tiens à remercier Ismaël et Tommy de ne pas avoir été là. Oui, bah oui, parce que ça aurait été sûrement plus difficile parce que je connais Ismaël. Alors lui, il aurait trouvé tout de suite Alien, Inglourious Basterds, etc., etc. Et surtout, Seigneur des Anneaux. Mais bon, tu l'as trouvé rapidement quand même. Non, mais on va faire un duo. Moi, je vais lui donner les informations et lui, il va répondre. Mais vous pouvez faire un duo à la maison, ça ne me dérange pas. Hein, mais non, mais... Vous faites ce que vous voulez de vos vies privées, hein. Ça me dérange pas du tout. Alors, la seule qui a vu Greta Showman, c'est toi, Estelle. Et alors, je te laisse, mais alors, 5 minutes libres, parle-nous de cette nouvelle comédie musicale qu'on dit un peu le nouveau La La Land. Alors, pas dans le scénario, mais plus dans l'intensité de ce film. Alors, je ne dirais pas le nouveau La La Land, étant donné que je n'ai pas aimé La La Land. Oui. En tout cas, allez voir ce film, il est génial. J'ai passé 2 heures incroyables. On ne s'ennuie pas. Il y a de l'émotion, il y a des musiques. Les chants sont super bien introduits aussi. Parce que j'aime pas beaucoup les comédies musicales, mais j'aime encore moins lorsque, hop, blanc, silence, hop, on a un plan sur l'acteur et là il se met à chanter, voilà. Alors que là c'est pas du tout ça, c'est super bien introduit, les costumes sont magnifiques, la mise en scène, comment c'est filmé, c'est super fluide, c'est franchement c'est génial. Dans le montage et les effets c'est incroyable aussi. Pour vous dire, à la fin de la salle, alors moi j'aime bien rester à la fin, jusqu'à la fin des génériques. En général, je reste la seule paumée jusqu'à la fin du générique. Là, c'est pas le cas, les gens restaient. Pour la musique, j'imagine, pour la bande son. Ouais, pour la musique. Il y en a qui, en sortant de salle, ils dansaient, ils chantaient. Enfin bon, je veux dire, c'est un film qui apporte de la joie, de l'émotion. Et derrière, ça apporte aussi un super message de... soyez qui vous êtes, prenez les risques et puis de toute façon on vous acceptera tel qu'on vous êtes, et si c'est pas le cas ben tant pis pour les autres, au contraire en fait en s'assumant et en étant fier de ce qu'on est, les autres sont sensibles à ça en fait, et bon ils aiment ou pas, il y en a toujours qui tapent sur la gueule des autres, mais non il y a vraiment c'est génial. Il y a une histoire de monter dans l'échelle sociale, d'y redescendre aussi. Il y a la famille, il y a l'amitié, il y a des grosses valeurs qui sont mises en avant sans dire... Bon, il y a des plans un peu exagérés où... bon, c'est toujours le plan habituel du baiser ou de... on s'aime ou on est amis. Ou, bon, ça, c'est un peu... lourd en fait, c'est déséquilibre un peu, mais il y en a très peu dans le film, et en fin de compte on passe 2 heures, pratiquement 2 heures géniales, franchement allez le voir. Et Hugh Jackman alors, magnifique dans ce film. Ouais, après moi, Les c'est Misérables. Vraiment un acteur qui, alors Les Misérables j'arrive pas à accrocher. Ah bon? Parce que c'est très comédie musicale américaine, très ouais, Broadway. Et c'est trop en fait, je pense que pour moi c'est trop, c'est-à-dire qu'à chaque fois je lance le début et puis au bout de 10 minutes et Eh ben, j'en peux plus. Alors, pas forcément Hugh Jackman, hein, mais je sais pas, c'est... Voilà, comme je disais, la comédie musicale, soit avec moi, soit ça marche, soit ça casse. D'accord, je comprends. La La Land casse. Les Misérables cassent. Mais c'est là, personnel. Ça fonctionne avec ce Et film. Là, ça fonctionne à fond. Donc, allez-y, parce que si ça fonctionne avec moi, c'est que ça doit fonctionner avec beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Estelle, pour ce film. On va se terminer avec une dernière news. Et en même temps, est-ce que je vais vous demander de faire une remarque sur cette news, mais le tournage d'Aladin est terminé. Et je rappelle que dans ce Aladdin, qui joue le génie ? Will Smith. Et ça a l'air très intéressant et très curieux, surtout. Je suis très curieux. Surtout par rapport au résultat. Ouais. Et ce qu'a fait Disney par rapport au film live, entre guillemets. Merci beaucoup, Gauthier. Je crois qu'ils ont également fini celle de Mulan. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont également fini. Alors, je n'ai pas cette info là. Si tu as cette info, tu peux la sortir, mais es-tu sûr de toi ? Je ne suis pas sûr de toi, donc on va attendre la semaine prochaine. Tu me la redis la semaine prochaine. Alors. Confirmation lundi prochain. Oui. Merci beaucoup, Gauthier, d'être présent et de nous avoir donné envie, pas d'aller voir des films parce que t'en as pas vu, ouais. Mais au moins. De jouer au jeu. Et de coucher cette émission magnifique. Et Estelle, merci beaucoup pour Pentagon Papers et Gracie Schumann. Et de ta participation, nous t'aimons beaucoup. Merci bonne beaucoup à vous à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao ciao. Margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?